Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Mérovingien, le podcast de la vulgarisation de la cybersécurité. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir les liens entre la psychologie et la cybersécurité. J'ai trouvé une intersection, c'est celle des biais cognitifs. Alors, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, notre cerveau a deux parties pour prendre des décisions. Une partie qui réfléchit à l'instinct et l'autre plus rationnelle. La première nous permet de survivre dans des situations compliquées et l'autre permet plutôt d'évaluer les données à disposition pour prendre une décision, disons, réfléchie, rationnelle. Et il arrive que dans certaines situations, on prenne de mauvaises décisions car la première partie survie prenne le dessus sur la partie rationnelle. En temps de crise, c'est particulièrement le cas. Je vous propose donc d'imaginer ce qui pourrait se dire dans une réunion de gestion de crise d'une attaque cyber sur des systèmes informatiques. Et j'ai pris pour contexte l'attaque du système électrique ukrainien en 2015, qui a touché plus de 200 000 personnes. On va imaginer une réunion d'une cellule de crise, donc en pleine cyberattaque, et les décisions qui pourraient être prises à travers le biais cognitif. Donc je prends le contexte de l'attaque des centrales électriques en Ukraine, donc qui s'appelle Black Energy, et je vous mettrai en lien la source des informations factuelles disponibles sur Internet. On n'en a pas tant que ça sur ce qui s'est passé en interne dans les usines, donc j'ai inventé des répliques pour essayer d'imaginer ce qui aurait pu se dire. Donc posons le décor. Nous sommes en décembre 2015 et imaginons qui pourrait participer à cette cellule de crise. Le directeur de la centrale, le responsable informatique, le responsable de la production, le responsable de la maintenance, le responsable sûreté et le responsable communication. Mercredi 23 décembre 2015, 17h. Le courant est coupé autour de la ville d'Ivano-Frankivsk. Le responsable de la production reçoit un appel. Allô? Quoi? Il n'y a plus d'électricité à Ivano-Frankivsk? Non, je ne suis pas au courant. Nos écrans indiquent que tout est en ordre. Je me renseigne. Il va voir l'opérateur. Alors apparemment, il y a un problème, il y a des coupures. Fais voir ton écran. C'est figé. Depuis combien de temps? Quoi? Là, c'est quoi ça? La boule souris qui bouge. Déconnecte vite, tout de suite, s'il te plaît. Il appelle vite le responsable informatique. Il y a des coupures d'électricité dans la région et nos ordinateurs ont un comportement suspect. Tu devrais venir voir. Le responsable vérifie tout de suite les journaux informatiques, c'est-à-dire la liste des événements informatiques. Effectivement, il y a des flux suspects. Il appelle le directeur de la centrale. Je pense que tu es au courant, il y a des coupures d'électricité. Il est possible qu'on soit l'objet d'une cyberattaque. Je suis en train de vérifier. Et il va falloir monter rapidement une cellule de crise. Le directeur appelle tous les experts qu'il faut. Certains sont d'ailleurs en train de rentrer chez eux, c'est vendredi soir. Ils font tous demi-tour. La situation est assez grave, il faut que tu reviennes vite sur site. La réunion commence. Le directeur au responsable communication. Il faudrait que tu publies tout de suite un avis sur le site internet de l'entreprise. Nous sommes au courant des coupures dans la région. Nous demandons aux clients de ne pas appeler, car on sait pas encore quand ça va revenir. Le responsable de communication hésite. Si je puis me permettre, j'ai vu le dernier sondage d'opinion. Eh bien, on n'a pas une très bonne réputation en ce moment dans la région. Et je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter pour communiquer ce genre de news. Alors, sur ces premiers échanges, étudions le premier biais. Le biais de la rationalité limitée. Le premier qu'on va voir aujourd'hui. Les êtres humains, ils veulent être rationnels dans leurs décisions. C'est normal. On veut pouvoir prendre les décisions réfléchies. Mais nous sommes des humains et nos capacités cognitives sont limitées. Ben oui, on n'est pas des ordinateurs. On n'a pas une mémoire illimitée et une attention parfaite. Donc on parvient que dans une faible mesure, en fait, à prendre des décisions rationnelles. Et le plus important, c'est d'en être conscient, c'est d'accepter qu'on ne prendra pas des décisions 100% rationnelles. Le directeur, il a pris une bonne décision, il veut publier un avis sur Internet, même s'il n'a pas toutes les informations. Il ne sait pas tout ce qui se passe, mais il sait que sa priorité, c'est qu'il faut éviter que toutes les lignes téléphoniques soient saturées. Pour le responsable informatique, dans un monde rationnel, bah, il aurait dû étudier exhaustivement tous les indices, se prononcer sur le fait que ça soit une attaque ou un bug, mais bon, en fait, il n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'il donne son premier avis rapidement au directeur avant de tout vérifier, ce qui lance la cellule de crise d'ailleurs. Donc là, on a deux exemples où le biais de rationalité limitée, ben, il est évité. Par contre, dans le dernier exemple, celui des statistiques qui sont peu fiables sur le sondage d'opinion, le responsable communication, ben, il essaie de se rassurer sur la rationalité de sa décision en prenant une statistique, mais qui est en fait peu fiable. Donc il faut accepter qu'on ne sait pas tout. Éviter d'utiliser ces statistiques peu fiables pour se donner un air de rationalité. Et la décision, c'est que l'avis, il doit être publié sur Internet malgré le sondage d'opinion. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. La réunion continue. Le responsable informatique dit: Nous sommes bien victimes d'une attaque, cela vient du pays Y. En effet, j'ai reconnu des caractères de leur alphabet dans le code, et en ce moment, il y a beaucoup d'activités sur les réseaux du pays Y. Les autres membres de la réunion acquiescent: Très bien. Il est clair, cela vient du pays Y. Alors là, on a un deuxième biais. Les personnes, elles veulent attribuer rapidement l'attaque à un pays. C'est le biais de confirmation. On tend à favoriser l'information admise et ne pas rechercher les informations qui la contredisent. J'ai trouvé des caractères de la langue du pays Y, donc c'est le pays Y, et je ne cherche pas plus d'indices sur qui pourraient contredire cette hypothèse. Bon, c'est un équilibre avec le biais de rationalité limitée qu'on a vu avant, d'ailleurs. Par contre, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus reçu d'appels des clients. On en est où de ce côté pour évaluer les dégâts? Dans la procédure, on doit estimer l'ampleur des coupures par ce moyen. Voici un troisième biais, celui de l'inaction. Nous nous construisions une représentation du monde et de ce qui semble marcher dans notre représentation. Va nous sembler vrai. Donc pour notre gestion de crise, on va croire que ce qui marche en temps normal marche forcément en temps de crise. Or, ce n'est pas forcément le cas. En temps normal, on se sert de la centrale d'appel pour avoir une remontée des problèmes de nos clients particuliers. Mais pour cette attaque très particulière, les attaquants ont inondé la centrale d'appel pour empêcher les clients d'appeler. Biais de l'inaction. Alors ensuite, le directeur, il dit: Comment on va remettre l'électricité sur le réseau? Il y a 30 sous-stations. En plus, on est en train de mettre ce nouveau projet de modernisation. On a automatisé toutes les commandes pour éviter le déplacement. Je crois qu'on est bloqué. Le responsable de production intervient. Effectivement, on a automatisé certaines choses, mais il reste des commandes manuelles. Il suffit d'appeler les opérateurs sur place et ils rallumeront les stations. Alors, il faut faire attention à ce quatrième biais, celui de la fausseté des souvenirs. Nos souvenirs sont souvent faux ou reconstruits. Donc, dans cet exemple, le directeur s'est souvenu de ce projet de modernisation, où il s'était beaucoup impliqué, mais le responsable de production lui rappelle que le réseau est encore très manuel. Dans les faits, c'est ce qui a sauvé le réseau électrique, ce qui a permis de le mettre sur pied en quelques heures. Grâce à cette possibilité de rallumer manuellement le réseau, l'électricité a pu être rétablie. Le responsable de production dit ensuite au responsable informatique: Et du coup, on peut réutiliser nos PC quand? Il va falloir reprendre la production électrique rapidement. Il semblerait que tous les fichiers soient effacés par les attaquants avec kill switch. C'est du vrai sabotage. Vous ne pourrez pas utiliser vos postes opérateurs tout de suite, ça va être long de les réinitialiser, répond le responsable informatique. Et le responsable de sûreté réplique: Tu peux nous réinstaller ça tout vite, je pense que c'est pas bien compliqué quand même, et tout le monde acquiesce. Alors voici un échange qui pourrait arriver et qui nous montre un cinquième biais, celui de la conformité. C'est quand des individus adoptent l'opinion dominante du groupe. Ici, c'est le groupe qui n'estime pas bien l'ampleur de la tâche de l'informaticien, qui souhaite. Le groupe y souhaite rétablir rapidement la production par les ordinateurs. Alors attention aux opinions dominantes, surtout quand elles vont à l'encontre de ce que pense l'expert concerné. Donc cette attaque, elle a été importante pour l'Ukraine, elle a été organisée par des acteurs étrangers. Yevhen Yakovenko, le responsable du département cyber du service de renseignement ukrainien, explique dans le reportage Arte, les hackers russes, nouveaux mercenaires d'une cyberguerre, que les attaquants ont tenté de décrédibiliser l'économie de l'Ukraine pour décourager de nouveaux investisseurs étrangers. Ben oui, en coupant l'électricité pendant plusieurs heures, on décourage des investisseurs qui veulent investir dans des usines qui utilisent de l'électricité en continu. La coupure d'électricité a été de 1 h à 6 h pour plus de 200 000 personnes. Et ce qui a permis de réduire l'impact de l'attaque, ce sont les commandes manuelles. Et ces commandes manuelles, elles ne sont pas encore en place. Non, je veux dire, elles sont encore en place, alors que dans d'autres pays développés, elles ne sont plus en place. C'est des commandes automatiques. Donc les conséquences auraient été beaucoup plus fortes dans un autre pays plus développé. Il y a d'autres biais dont j'aimerais vous parler, mais ça sera dans un autre épisode. Il y a par exemple le biais hubris sur l'ego, le biais de l'engagement, le biais de la normalisation du danger ou les injonctions paradoxales. Alors, le plus important sur ce sujet des biais, c'est qu'il faut en avoir confiance. Il y a le biais, donc on a vu le biais de rationalité limitée, le biais de confirmation, le biais de l'inaction, le biais de fausseté des souvenirs et le biais de la conformité. Le plus important, c'est qu'il faut en avoir conscience parce qu'ils vont arriver de toute façon. Ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez un biais parmi les 5 que je vous ai présentés et que vous essayiez de trouver une situation de votre travail ou de votre vie quotidienne où l'un des biais s'est manifesté et de publier votre exemple en commentaire de l'article du blog associé au podcast ou au biais. J'ajoute aussi en lien l'article où j'ai trouvé les 22 biais en lien avec les cyberattaques. En crise, le plus important dans le tourbillon, c'est que le comité de direction puisse prendre les bonnes décisions. Il faut éviter des biais en réunion. Attention à bien se préparer en amont. Il va falloir revenir au papier-crayon, car une attaque sophistiquée par rebond peut avoir sur l'électricité des effets papillons. Sachez que tout n'est pas résoluble par la raison. Méfiez-vous des faits qui ne sont que confirmation. Ne comptez pas que sur vos représentations. Prenez du recul sur votre mémorisation et pesez bien toutes les opinions.